Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Bonjour. Bonjour les amis. Non. Bonjour les amis. Alors vous le savez certainement, la 75e cérémonie des Golden Globes se tenait cette nuit à Los Angeles. Du coup, comme j'ai écrit mon texte hier après-midi, je vais plutôt vous parler de Blaise Matuidi. Alors là, il y a Nagui qui se fait trop de la teub et tout du foot. J'ai bien fait de pas le virer en décembre. Le problème, il a eu des soucis, le pauvre. Exactement. Et Nagui, le foot, c'est sa troisième passion après la musique live et les drogues en sachet. Et pareil pour Daniel Morin qui a longtemps entraîné une équipe de jeunes, vraiment avant que des allégations, blablabla, que les parents auraient découvert que. Moi j'ai toujours, c'est facile d'accuser sans preuve. Derrière, ça fait des gens brisés qui sont obligés de faire 39 chroniques par semaine pour s'offrir les avocats un temps soit plus compétitif. Eh bien, malgré les souvenirs douloureux, Daniel m'encourage toujours à oser parler de foot sur France Inter. Alors, une chaîne où l'amateur de foot est pourtant considéré comme ce qui rapproche le plus Homo sapiens des petits singes primitifs du Crétacé. C'est pas du mépris, c'est de la curiosité. Vraiment, je me rappelle la saison passée, j'ai fait une chronique sur le foot. La patronne de la chaîne, Laurence Bloch, est venue personnellement le féliciter. Après l'émission, elle m'a dit « Vous vous exprimez très très bien pour quelqu'un issu de la différence mentale. Bravo Ernesto. Mais la prochaine fois, parlez-nous du cinéma bosnien, vous serez gentil. » Bref, samedi, la Juventus de Turin a gagné 0-1 à Cagliari, un match entaché par les insultes racistes qu'a subi le joueur français de la Juve, Blaise Matuidi. Et je profite de cette tribune pour m'adresser directement aux nombreux supporters racistes de Cagliari qui nous écoutent. Alors déjà, merci pour votre fidélité. On a besoin de vous, les gars. 1 800 000 auditeurs, tu les fais pas uniquement avec des leaders de ZAD, des profs de langue morte et des graphistes momentanément sans emploi fixe. Ah non, 1 800 000 auditeurs, on a forcément des supporters sartes férus de violence verbale gratuite à l'encontre de joueurs noirs, pour paraphraser Thierry Roland. À eux, je voudrais rappeler deux petites choses. La première, le racisme, c'est pas une opinion. C'est un délit, voilà. Et de deux, ils sont italiens. Or, les Italiens, aux dernières nouvelles, ça parle quand même avec les mains, ça vole pour un oui ou pour un non, ça se nourrit uniquement d'aliments qui terminent en i. C'est un délit, c'est un délit. Alors, s'il y a bien un peuple qui me semble pas hyper légitime pour être raciste envers les autres peuples, c'est bien les Italiens, quoi, tu vois. Et s'il faut devenir méchant, je ressors les dossiers qui font de la peine, hein. Mario Dastarac en tête, et je suis prêt à aller jusqu'à Vincent Moscato, y a pas de problème. Hein. Alors, donc, avant d'être raciste dans une tribune, regarde d'abord ton propre pays, hein, pas vrai, Maréchal? C'est vrai. On est bien d'accord, merci beaucoup. Affirmatif. Je fais de leçon de morale à personne, ceci dit, le racisme dans le stade, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est, enfin, je vais souvent voir le PSG avec Leïla. Donc voilà, je la vois bave aux lèvres, etc., tremblante d'agressivité, insulter les joueurs avec des références que personne ne comprend dans la tribune. Ta mère, elle est dans un roman de Marie Darius Steak. tout le monde est là comme ça, hein. Ouais. Je dis, Leïla, qu'est-ce qui t'arrive? Et tout, t'es pas de gauche et tout. Si, si, mais là, on m'a piraté mon wifi et tout. Mon chien prévient jamais quand il rentre tard. À Noël, on m'a offert un pins Leroy Merlin, je suis au bout du rouleau. Et du coup, voilà, la haine dans les stades, c'est avant tout la haine de soi. Alors, en attendant, il y a une solution toute bête pour que les joueurs noirs arrêtent de se faire emmerder, de morfler. Faut juste mettre une femme dans chaque équipe. Et voilà, il a pas dit que des conneries, Thierry Roland. Allez, bonne émission, à bientôt. Ciao, ciao. Merci, Guillaume. La bande originale. C'était très bien, Ernesto.